Et c'est pour ça que la colère harmonique de l'ego doit transcender toutes les formes afin que la haine qui se dégage dans la conscience de l'homme puisse permettre à son ego de simplement vivre sa vie en sachant que tout ce qui se passe sur la terre est nécessairement un produit de la lumière. Car la lumière a manifestement décidé par elle-même qu'un jour l'évolution de l'homme se ferait et que l'involution serait inversée. Cette involution est responsable de l'astralité de l'homme. Elle est responsable aussi, cette évolution, de la descente de l'âme dans la matière pour le développement de l'ego. Lorsque l'ego comprend qu'il doit se mettre un jour en colère contre ceux qui l'ont créé, non pas d'une façon systématiquement astrale, c'est-à-dire où il accuse la lumière d'avoir agi ainsi, mais il sait très bien que la lumière n'avait pas le choix d'agir ainsi. C'est pour ça qu'à ce moment, sa colère est harmonique, mais que aussi sa haine peut grandir parce que sa haine, à ce temps, prend de l'expansion. Il peut ainsi capter sur les corridors du temps la réalité de chacune des réalités émises par la lumière pour faire un jour évoluer l'homme vers sa propre lumière. Donc, ce que l'homme conteste n'est pas nécessairement la lumière, mais tous les mécanismes et tous les voilements qu'on lui ne donne pas en lien avec la descente de l'évolution sur la Terre pour que l'homme puisse se développer un ego. Et lorsque l'homme se développe un ego, il comprend aussi que la haine qu'il doit diriger est contre le mensonge cosmique et non pas nécessairement envers la lumière. Parce que lorsqu'il va diriger sa haine contre le mensonge cosmique, il dirige sa haine contre l'ignorance de ne pas savoir. Et c'est à ce temps que la lumière est obligée de lui répondre en lien avec ce que l'homme peut contenir dans ses corps comme information. Il ne faut pas oublier que de la lumière, c'est une vibration, et c'est aussi une information très, très précise sur la nature de l'homme en lien avec sa liberté intégrale et aussi en lien avec la voyance de ce qu'il est dans la matière. Les deux doivent toujours se suivre pas à pas, car si l'homme voit trop grand sur sa vie et qu'il ne peut pas accéder à une liberté totale en lien avec ce qu'il voit, il en souffrira, il y aura décalage. La haine de l'homme envers le mensonge cosmique doit lui créer de l'espace au niveau de sa conscience afin que sa colère puisse grandir et rester un jour un habitacle dans lequel il peut facilement pénétrer pour tout simplement signifier à la lumière dans un verbe absolu l'autorité de son verbe. Car c'est dans l'autorité du verbe de l'homme que les forces de la lumière savent si les besoins réels de l'homme à un certain moment doivent être rencontrés ou non. Et c'est pour ça que la colère harmonique ou la colère de l'homme ou de l'ego en lien avec la lumière ne peut pas être une colère astrale parce que cela va toujours amener à une détérioration de la vie de l'homme en lien avec sa capacité de se situer dans sa vie psychologiquement, psychiquement et physiquement. Pour s'habiter totalement dans une colère harmonique, il faut donc que l'ego ait transcendé plusieurs craintes. Comme je le disais auparavant, il faut qu'il soit en mesure d'identifier ses craintes parce que s'il ne peut pas identifier, par exemple, le fait qu'il a peur de manquer de l'argent, cela va créer systématiquement une forme au-dessus de sa tête en lien avec un besoin qui n'est pas réel. Et parce que sa crainte de manquer de l'argent va demeurer au-dessus de sa tête, il va interpeller dans sa colère des réalités de vie qui font que le réfléchir dans ce qu'il pense savoir. Pour qu'une colère ne se réfléchisse pas, il faut instantanément que l'homme soit en mesure d'interpeller dans sa parole ce qu'il vit en lien avec l'absence de liberté que cela crée pour lui. Ce n'est pas une affaire d'intelligence, la colère. C'est beaucoup plus une affaire d'absence de liberté et une réalité qui doit permettre à l'homme, dans son intelligence, d'interpeller la vie pour qu'on lui remette les lois de la vie dans ses mains afin qu'il ne se fasse pas manipuler par les forces de l'astral. Est-ce que la lumière manipule l'homme? À la limite, elle n'a jamais manipulé l'homme, mais elle lui a caché de l'information, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle se devait de le faire en lien avec le développement de la conscience de l'homme. Si l'homme avait été extrêmement lucide dès le départ, il n'y aurait pas eu cette capacité-là de la lumière de lui cacher de l'information, car la colère de l'homme aurait été totalement ajustée à la réalité qu'il n'a pas à payer un prix pour vivre sur la planète Terre. Et en ce moment, l'homme paye un énorme prix en lien avec la vie matérielle parce qu'on lui a caché énormément de réalité. Et lorsque l'homme est dans sa colère et qu'il interpelle la lumière en lien avec ce que veut dire la liberté, c'est lui qui doit expliquer à la lumière définir ce qu'il entend par liberté. Et au centre de cette liberté sera toujours la capacité et la volonté pour l'homme d'être en autorité de savoir et de pouvoir supporter le savoir de ce qu'il arrache et ce qu'il demande en lien avec la liberté que cela lui procurera dans les secondes même par vibration et non dans 3 jours. Pour que la liberté puisse être exempte de haine en lien avec la lumière, il faut nécessairement que l'homme se connaisse. S'il ne se connaît pas assez en tant qu'ego, il peut, dans sa psychologie, parler la vie en lien avec des formes de vie qu'il n'a pas dépassées et cela deviendra un geste d'orgueil pour lui dans le sens que il n'aura pas suffisamment de lumière dans son mental pour que la lumière accepte de lui fournir de l'information en lien avec le devenir de sa programmation ou encore l'arrêt définitif de sa programmation en lien avec le monde de la mort. Lorsque l'homme sait qu'il ne veut plus être gouverné d'aucune façon par les forces ou régi par les forces de la noirceur, c'est-à-dire les forces de l'âme, c'est lui-même qui, dans une colère absolue, amende sa relation avec l'âme et il demande à l'esprit de lui répondre. Lorsqu'il commence à demander à l'esprit de lui répondre, il en vient avec le temps à s'habituer à cette autorité et c'est à ce moment qu'il commande, un jour à la lumière aussi, de lui dire ce qu'on lui cache. Est-ce que la lumière joue toujours avec l'énergie de l'âme en lien avec son autorité? Certainement. Parce que l'autorité dans l'ego est ce qui dicte à la lumière la volonté de pénétration que cet ego possède pour interpeller le mensonge cosmique. Et si l'homme ne peut pas interpeller le mensonge cosmique d'une façon absolue, c'est-à-dire de le traverser et de savoir qu'est-ce que de l'astral, qu'est-ce qu'une vibration mentale, qu'est-ce qu'une vibration de lumière, cela veut dire qu'il est manipulable. Il est très difficile d'être libre sur la Terre tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce que la liberté psychique de l'ego en lien avec la lumière et sa propre création pour créer lui-même dans sa tête des espaces de lumière qui lui permettront non simplement de haïr le mensonge, mais aussi de créer sur la Terre des espaces de lumière qui feront repousser de sa conscience toute involution ou toute forme de domination pouvant le mener à un geste d'orgueil. Et c'est systématiquement, avec le temps, dans une conscience absolue, quand l'homme prend le taureau par les cornes et qu'il est capable de dire à la lumière ce qu'il est, que la lumière doit lui dire que ce qu'il est, elle le connaît et qu'elle le respecte. Pour respecter l'homme, il est nécessaire que l'homme se respecte lui-même dans son processus de conscientisation avec la colère et qu'il sache que si sa colère n'est pas harmonique, c'est-à-dire qu'elle le débalance et qu'elle l'amène à ne plus avoir d'énergie dans une journée, cela veut dire qu'il est allé trop loin. Et pour connaître qu'est-ce que la quantification vibratoire d'une colère en lien avec sa capacité de s'harmoniser dans une journée, celle-ci est toujours une mesure de l'ego à pouvoir simplement passer à autre chose aussitôt qu'il a fait une colère, car ensuite son mental est déjà dirigé ailleurs et qu'il n'en souffle plus de la forme parce qu'il n'est plus prisonnier de la forme ou tout simplement il a arraché dans un savoir absolu de colère ce qu'il voulait savoir. Lorsque l'on sait, on ne se met pas en colère. Mais lorsqu'on sait qu'on est manipulé et qu'on veut faire cesser une manipulation, on peut se mettre en colère. Et harmoniquement, la lumière est obligée de répondre à l'homme et de lui dire qu'est-ce qui se passe exactement pour que ses corps puissent se générer dans une autorité absolue de liberté. La lumière ne peut pas garder pour elle l'énergie ou les lois d'énergie, car les lois d'énergie font partie de la capacité de l'homme à se rebeller contre l'invisible afin que ce qu'il fera descendre demain ne soit pas manipulable par les forces astrales dans l'homme. Si la lumière ne peut pas émettre des lois d'énergie sur la Terre, c'est parce que la colère de l'homme en lien avec le mensonge cosmique n'est pas encore assurée. Il n'y a pas assez d'hommes qui traversent le mensonge cosmique pour établir que telle loi d'énergie est réelle et qu'elle doit être encore un peu amenée plus loin par l'homme. Donc, si on regarde éventuellement, est-ce que les femmes auront à être porteuses d'enfants en lien avec des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et est-ce que cela est réel? Éventuellement, tout sera possible parce que l'homme ou la femme ne fera pas astraliser. Mais nécessairement, il y aura toujours dans l'absence de générosité de l'homme un regard astral sur l'argent et c'est cela qui met en danger tout le processus de créer sur la matière de la liberté. Il faut comprendre qu'une âme n'a pas un jour à donner d'importance ou de valeur à la réalité qu'elle est l'enfant ou le fils de tel père ou de telle mère. Une âme, c'est une âme qui un jour doit se libérer de ses propres craintes et voler par elle-même pour devenir un ego qui un jour rencontre son esprit. Donc, toutes les formes de procréation qui seront dans le futur ne sont pas nécessairement mauvaises, car l'homme doit comprendre que si on favorise le développement harmonique d'une famille pour faire évoluer une âme, cela est favorable à créer parce que cela empêche le désordre de pénétrer trop les âmes qui ne seront pas grandies par de la lumière. Il y a énormément d'astralité sur la Terre et la colère harmonique de l'homme doit l'amener à connaître tout ce qui se passe sans nécessairement donner une autorité absolue à ce qu'il sait. Si vous regardez les conflits qui se passent dans le monde, vous devez avoir une autorité absolue sur ce qui se passe et ne pas vous mettre en colère contre ce que vous ne devez pas vous mettre en colère. La colère harmonique doit dresser dans l'homme une réalité qui lui permet de pouvoir comprendre d'une façon définitive ce qui doit arriver sur Terre afin que tout ce qui arrive puisse un jour être redirigé vers une compréhension complète des lois d'énergie. Et les lois d'énergie ne sont pas encore suffisamment accessibles à l'homme et c'est pour ça qu'il ne comprend pas ce que la lumière veut faire en lien avec la planète Terre. La conscience psychologique de l'ego est très, très immature, hein, parce qu'elle n'est qu'au début d'une psychologie nouvelle qui va permettre à l'homme de se sortir de l'involution totalement. Les forces involutives sont donc très grandes sur la Terre et c'est ce qui enlève à l'homme de la colère au niveau de sa liberté et de sa compréhension de ce qui doit se passer. Donc, la colère harmonique de l'ego en lien avec les forces de la lumière est celle-ci. C'est ne jamais se mettre en autorité contre ce qu'on ne comprend pas. Si vous êtes en autorité contre ce que vous ne comprenez pas, c'est nécessairement parce que vous êtes déjà astralisé. Mais une colère pour exprimer un besoin réel peut aussi être astralisée. En ce sens, il faut que l'homme puisse dire à la lumière d'une façon neutre que lui, sa perception de la réalité est celle-ci. Mais s'il ne reste pas ouvert aussi à la vibration de sa colère dans la lumière de ce qu'il exprime, il peut s'astraliser. C'est-à-dire que dans la colère, l'homme sait si ce qu'il dit est réel ou pas. S'il vibre émotivement à sa colère, ça veut dire que ce qu'il dit n'est pas nécessairement totalement réel. Il y a une forme d'astralité. Mais lorsqu'il interpelle la lumière et dans sa colère, il dirige son verbe vers la capacité de « je veux savoir ce qui se passe ». Je dois savoir ce qui se passe et j'exige des réponses en lien avec ce que vous communiquez. Ce sont là des phrases que l'homme doit interpeller d'une façon neutre afin que la lumière sache de quel bois il se chauffe. La colère harmonique ou vibratoire est une dimension de l'ego que l'homme doit intégrer. Il est incontournable que chaque âme sur la Terre puisse devenir dans la conscience de l'esprit une autorité. C'est l'autorité de l'esprit et de l'ego qui doivent triompher de la crainte et non l'âme qui doit triompher de l'homme en lui imposant ses craintes. Lorsque la colère est comprise d'une façon neutre par l'homme, il n'hésite plus à regarder dans son verbe ce qui l'empêche de dire ce qu'il a à dire. Est-ce que l'homme peut se mettre en colère en public sans nécessairement payer un prix? Il faut absolument qu'il sache avec qui il se met en colère et les gens qui sont capables de supporter cette colère. Sinon, il fait cette colère-là intérieurement en sachant très bien qu'on essaie de manipuler autour de lui des consciences pour que ce qu'il dit soit astralisé ou encore qu'on l'astralise lui-même dans sa conscience. À chaque fois que l'homme est mis en contact avec la société ou avec des formes, que ce soit des âmes qui sont inconscientes de la vie, il n'a pas à subir quoi que ce soit. C'est donc dans un prisme de colère qu'il devient scient et omniscient des formes parce qu'il est capable de voir ce qui est derrière chaque personne et c'est à ce temps qu'il peut se mettre en colère dans sa tête et simplement dire aux forces de lumière qui chapeautent le tout qu'il voit. Et quand l'homme dit qu'il voit, il haït instantanément l'astral et l'astral doit se déloger de toute possibilité de s'unifier à son champ d'énergie parce que l'homme se crée de l'espace et cet espace est un rayonnement lumière. Est-ce que l'autre qui est astralisé en bénéficie? Cela dépend. Cela dépend toujours de la capacité de l'autre de saisir télépathiquement que l'homme qui aime l'homme n'haït pas l'homme pour ce qu'il est, mais il haït l'astral qui, en lui, tente de le pénétrer pour ensuite manipuler ses semblables. Donc, la haine absolue d'un homme est dirigée toujours contre la manipulation, et c'est pour ça que sans colère, il n'y a jamais de haine, et sans haine, il n'y a jamais réellement total dévoilement.